Mortels, tous les hommes le sont. Dans la rivière comme un vieux songe. Amé des profs, chaîne, connexion, malfaiteur, va réviser tes leçons. Clair et obscur comme grisaille, paradoxal dans le design. Yeah. Je méprise tout le monde, impassible comme Rivaille. Misérere brise le mur du son. Nosferatu à la vue du sang. Je partage les valeurs de MLK, mais on dirait que je suis membre du Ku Klux Klan. Frelon, méfie-toi des apparences. Ou tue-moi comme XX. Je suis Léonard dans une avalanche. Ou mafia comme 666. Nick Drake, j'écoute Nick Drake. Yeah. Je sors un single, je fais les scores de leur mixtape. L'homme peut changer, j'en suis la preuve. 2014, je piave seul. 2020, je tue tous les abrutis comme une bombe H sur Seattle. Fonction de Burberry avec 4 caddies. Chaque jour, fuck les States comme un Bagdadi. Carry l'équipe comme Tracy McGrady. Je sais quand où ils veulent me faire comme Al Bagdadi. Que des chiens néophiles, je suis un loup, mais en fait. Capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Sourire c'est trop d'effort, je suis l'alliance et la horde. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. Que des chiens néophytes, je suis un loup mais en fait. Capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Sourire c'est trop d'effort, je suis l'alliance et la horde. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. LDO noir sur noir, pull up comme dispawn. Si c'est pour le cas, je suis dispo. Faut que j'en tue plus à chaque fois que je respawn. Révolu de métal, pied sur le métal, je suis protégé avec le métal. Dans le piège négro, je fais pas de métal. J'arrive blindé à mort, mais je parle pas de métal. J'vois mon argent qui monte et j'attends le pic. Je remonte la balle, négro, j'attends le pic. Grosse liasse dans la machine, négro, j'attends le bip. T'es comment, y'en a qu'un dans la planète. Négro, je mets le lin dans la canette. J'avance, je suis serein, audio dos pour qu'on cite, faut une seringue, pétasse. Tu gagneras pas même en 10 matchs. Je les blesse facile comme si j'ai un mismatch. Shenzhen et Kerazal, SO les narrages et les techniques de l'ombre. Découpe les prods du début à la fin, SO Fredo négro, j'ai les techniques de l'ombre. Équipe. Fonction de Burberry avec 4 caddies. Chaque jour fuck les States comme un Bagdadi. Carry l'équipe comme Tracy McGrady. J'ai quand où ils veulent me faire comme Al Bagdadi. Que des chiens néophytes, je suis un loup mais en fait. Capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Sourire c'est trop d'effort, je suis l'alliance et la horde. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. Que des chiens néophytes, je suis un loup mais en fait. Capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Sourire c'est trop d'effort, je suis l'alliance et la horde. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts.